voyage en solitaire. Et nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre. Oui, il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère qui se passe de commentaires pendant des journées entières. Oui, il chante la terre. Mais il est sale, un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté d'une ville où il n'y avait pas de place pour se garer. Il voyage en solitaire. Nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire. Et il chante la terre. Il reste le seul volontaire. Et puisqu'il n'a plus rien à faire, fort qu'une armée entière, il nous chante la terre. Mais il est seul, un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté d'une ville où il n'y avait pas de place pour se garer. Voilà le miracle en somme. C'est lorsque sa chanson est bonne. Car c'est pour la joie qu'elle lui donne qu'il nous chante la terre. Na, na, na, na.